Ladies and gentlemen, I'm your DJ. We're gonna start here with a kick. Here we go.

We'll be right back. We'll be right back. Ok, coup de 13, les banlieues face au keuf, vider les caisses, les meufs dans les tests, le mixage n'a pas servi de leçon, les caïras sortent les poinçons, encore une génération, on traitera de mauvais garçons, alors que le méchant, si je peux dire, c'est les keufs, pas de quoi rire, un homme, Théo, en train de souffrir, rien de neuf, toujours la rime acide, face à une police illicite, les bras du bide, passent à l'école, remplis de zèle, 3 ans plus tard, ils ont perdu l'attitude zen, boivent des coups, fument et s'en mettent dans le zen, je te parle de la police, pas celle du cinéma, un peu trop lisse, où sont les héros, pas en France actuellement. Courage à vous, jeunesse des banlieues. Courage à nous, peuple, ne craignant que le feu du Dieu. Sans partir. J'ai envie que la police soit la nique. Ils sont la nique. J'ai envie que la police soit la nique. Ils sont la nique. J'ai envie que la police soit la nique. Ils sont la nique. J'ai envie que la police soit la nique. Ils sont la nique. J'ai envie que la police soit la nique. J'ai envie que la police soit la nique. Ils sont la nique. Yeah. mais je reviens. Prends la suite.